Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Hilda Strike, la première médaillée olympique québécoise. J'ai eu un très bon départ. J'avais toujours de bons départs. Et j'ai mené la course presque jusqu'à la toute fin. Puis j'ai senti quelqu'un près de mon épaule droite. C'était Stella Walsh. Dans un reportage diffusé à la télévision anglaise de Radio-Canada en 1984, Hilda Strike se rappelle très, très bien de ce moment précis où elle a vu la Polonaise Stella Walsh la devancer à la toute dernière seconde et franchir avant elle le fil d'arrivée à la finale du 100 mètres aux Jeux de Los Angeles en 1932. Si la médaille d'or a échappé à Hilda Strike ce jour-là, sa médaille d'argent a tout de même fait d'elle la toute première Québécoise à avoir remporté une médaille olympique de notre histoire. Bonsoir, mesdames et messieurs. Une Montréalaise de 74 ans, Hilda Strike Sisson, réclame la médaille d'or du 100 mètres féminin aux Jeux de Los Angeles de 1932. Hilda Strike avait alors remporté la médaille d'argent. L'histoire, c'est qu'on vient de découvrir que la médaillée d'or, à l'époque, était en réalité un homme. Daniel Levasseur raconte. Hilda Strike suit avec beaucoup d'intérêt les Jeux olympiques. Âgée de 74 ans, elle espère toujours recevoir la médaille d'or qu'elle aurait dû obtenir en 1932 alors qu'elle participait aux Jeux olympiques de Los Angeles. C'est à la course du 100 mètres qu'elle fut battue de justesse par une Américaine d'origine polonaise, Stella Walsh, qui se révéla beaucoup plus tard être un homme. Stella mourut en 1980 au cours d'une attaque à main armée dans un supermarché et l'autopsie révéla qu'elle était de sexe masculin. Ce qui explique, selon Hilda Strike, son comportement, car Stella ne partageait pas du tout la vie des athlètes féminines. She didn't stay in the Chapman Park Hotel with us with the rest of us girls. Comme elle s'est classée deuxième, Hilda a obtenu bien sûr la médaille d'argent, mais elle réclame la médaille d'or parce qu'elle a appris ce que cela signifie dans le monde olympique. I would like to have the gold medal because over the last 52 years I have learned myself that if you haven't got a gold medal, you are nobody in the Olympics. Hilda Strike, en 1984 au téléjournal, qui dit donc qu'elle voudrait avoir, qu'on lui donne finalement sa médaille d'or, parce qu'elle sait très bien, après tant d'années, que quand on n'a pas la médaille d'or, on ne compte pas, on n'existe pas, tout le monde nous a oubliés. Pour nous raconter l'histoire de la championne olympique canadienne Hilda Strike, je reçois l'historienne Catherine Ferland, fondatrice des Rendez-vous de l'Histoire de Québec, éditrice déléguée aux éditions Septentrion également. Catherine Ferland, bonjour. Bonjour. Alors, quelle importance elle a eu, Catherine Ferland, Hilda Strike, dans l'histoire du sport au pays? En fait, Hilda Gwendolyn Strike, on peut la considérer comme une pionnière du sport féminin au Canada, mais aussi au Québec, dans le premier tiers du 20e siècle. Hilda Strike, elle naît en 1910 à Montréal, dans le quartier Côte-Saint-Paul. C'est la troisième fille d'une famille d'origine écossaise. Et comme on l'a mentionné en introduction, bien, elle a été la première Québécoise à être médaillée olympique à une époque où les femmes sont encore vraiment des nouvelles venues dans le milieu du sport olympique. Et elle a aussi été la médaillée aux Jeux du Commonwealth en 1934. Et tous ces exploits-là vont faire en sorte de la propulser, on pourrait dire, comme grande vedette de l'athlétisme féminin au Québec. Mais pourtant, ben, effectivement, elle a sombré un peu dans l'oubli, presque complet, en fait, parce que, hormis dans le milieu de l'athlétisme comme tel, son nom est très, très peu connu encore aujourd'hui. Et ça, ben, on l'entendait en intro, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas eu de médaille d'or, mais aussi peut-être parce qu'elle a volontairement mis fin à une carrière sportive qui était pourtant prometteuse en 1935. Donc, ben, c'est dommage, mais c'est un peu comme dans bien des destins féminins. Hilda Strike, on a un petit peu perdu sa trace. Elle a disparu du radar populaire, on pourrait dire, ouais. Mais aussi du radar des historiennes et des historiens. Et c'est peut-être pour la raison pour laquelle les événements de 1980 sont vraiment intéressants. Ils nous ont un petit peu permis de remettre en lumière ce parcours-là de cette sportive exceptionnelle qu'a été Hilda Strike. Ouais, elle est un petit peu sortie de l'ombre avec cette controverse du début des années 80 sur laquelle on va revenir, bien sûr. Parlons de la jeune Hilda Strike qui, assez vite, s'intéresse au sport, Catherine Ferland. Il faut dire que son père est lui-même un sportif. Oui, effectivement. En fouillant un peu dans les recensements, on se rend compte que Hilda Strike, c'est la fille d'un joueur de hockey professionnel qui s'appelait Frédéric Ernest Strike. Donc, c'est un homme qui a évolué dans les ligues de hockey nord-américaines. Il était joueur de centre. Il a notamment joué pour les Miners de Calumet au Michigan en 1904 jusqu'en 1906. Ça, c'était à l'intérieur de l'International Professional Hockey League. C'est une ligue du début du 20e siècle qui a d'ailleurs été la première à accorder un statut professionnel à ses joueurs, donc dans un univers qui était alors, on va dire, essentiellement amateur. Hein. Mm-hmm. Donc, cette ligue-là comprenait 5 équipes et il y avait celle donc, où jouait Fred Strike. Il était le premier marqueur de sa ligue avec 44 buts. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui déjà visait l'excellence. Il a ensuite joué pour la Ligue nationale de hockey pour les Tecumseh de Toronto dans les années 10, donc de 1912 à 1913. Alors, c'est une famille, on comprend, donc, où le sport occupait un espace important. Oui. On sait que Hilda elle-même pratiquait plusieurs sports, effectivement. Oui, parce qu'elle voit son père, elle baigne dans ce milieu-là, puis elle pratique effectivement quelques sports. Comment elle en vient à s'intéresser, c'est quand même pas banal à cette époque-là, comment elle en vient à s'intéresser à l'athlétisme? Oui, bien en fait, après avoir pratiqué plusieurs sports de façon amateur, la natation, le patin, le badminton, le volleyball, le basketball et aussi la balle molle, Hilda, elle se fait remarquer en fait parce qu'elle excelle dans tous les sports qu'elle touche. C'est pas compliqué, on en a plusieurs témoignages à l'époque, notamment sous la plume d'une journaliste sportive qui s'appelle Myrtle Cook. Et Myrtle Cook va vraiment avoir une incidence déterminante dans le destin de Hilda Strike parce que c'est elle qui la découvre, si on peut dire, quand elle a 19 ans, donc qui découvre que c'est une athlète qui a vraiment un potentiel en course à pied. Myrtle Cook elle-même, c'est une athlète originaire de Toronto et elle a elle-même une médaillée d'or en athlétisme aux Jeux olympiques d'Amsterdam de 1928. Cette année-là, le Canada avait envoyé ce qu'on appelait le Matchless Six. C'est une équipe de 6 athlètes féminines et qui ont remporté plusieurs compétitions sportives, notamment la médaille d'or en relais 4 fois 100 mètres. Donc, Myrtle Cook, elle devient une journaliste sportive pour le Montreal Star et c'est elle qui couvre tous les événements sportifs et notamment le sport féminin qui l'intéresse beaucoup et pour lequel elle va vraiment avoir une action de promotion. Elle se fait vraiment la promotrice du sport féminin de haut niveau dans la métropole et elle va vraiment repérer le potentiel d'Hilda Strike. Donc, à un moment donné, on est en 1929, elle écrit un article dans lequel elle souligne vraiment sa rapidité et elle va aller la voir à un moment donné en lui disant « Écoutez, je pense que vous devriez vraiment vous adonner sérieusement à la course à pied. Mm-hmm. » Et comme Strike lui dit qu'elle ne se considère pas nécessairement comme une bonne coureuse, Cook va lui proposer de s'entraîner au sein du club qu'elle a fondé, qui s'appelle le Canadian Ladies Athletic Club à Montréal, pour lui montrer justement toutes les dessous de la course à pied et les derniers trucs. Donc, ouais. C'est vraiment en 1929 qu'Hilda Strike commence à s'initier à l'athlétisme. Cela dit, s'entraîner, quand on est une femme, à ce moment-là, c'est pas simple. Parlez-nous un peu de ça, des conditions dans lesquelles va réussir à s'entraîner Hilda Strike. Effectivement, il fallait être très, très déterminé parce que c'était des années très difficiles pour les athlètes amateurs. Rien leur était donné et particulièrement les athlètes féminines parce que, bon, il faut comprendre, on est dans le premier tiers du 20e siècle. Hilda Strike, dans le club dans lequel elle s'entraîne, les athlètes n'ont tout simplement pas d'infrastructure. Elles n'ont pas d'espace d'entraînement dédié, contrairement à leurs collègues masculins. Alors, entre autres, dans un article, on relate justement ces conditions d'entraînement-là. Et Hilda décrivait comme ça, l'été, on s'entraînait dans un terrain de Westmount et l'hiver, au forum, dans les corridors du haut. Alors, quand il y avait un match de hockey, les placiers nous chassaient dès l'arrivée des premiers spectateurs. Donc, il faut comprendre, là, vraiment, elle s'entraînait où elle pouvait et elle n'avait aussi aucun soutien financier de la part de la communauté, de la part des institutions. Donc, encore là, il fallait organiser des parties de cartes ou vendre des pâtisseries pour financer l'entraînement. Alors, de nos jours, ça semble un peu loin, détails, là, mais vraiment, c'était leur quotidien. Donc, ça ne les a pas empêchés de s'entraîner très, très fort. Et Hilda va quand même, entre 1929 et 1932, cumuler une quinzaine de coupes et une trentaine de médailles dans diverses compétitions. Comme quoi, s'entraîner à la sauvette dans les corridors du forum, ça peut payer quand même. Oui, puis dans cette période dont vous venez de parler, là, 1929-1932, avec ce nombre impressionnant de médailles, elle commence à se faire un nom, à être remarquée. Parlez-nous un petit peu de ses exploits durant ces trois années qui vont la conduire aux Jeux de Los Angeles. Oui, bien en fait, justement, dans toutes ces compétitions-là qu'elle va entreprendre pendant ces trois ans-là, il y a celle de février 1930 qui est particulièrement déterminante. Alors que, en compagnie de Myrtle Cook, Hilda Strike va faire partie de la première équipe féminine québécoise à participer à un championnat canadien d'athlétisme intérieur. Donc ça, ça a lieu au Coliseum de Toronto. Et ensuite, deux ans plus tard, en mai 1932, à Westmount, Hilda va établir deux nouveaux records au Québec. D'abord, elle va courir le 60 mètres en 7,4 secondes, puis le 100 mètres en 12,2 secondes. Donc, c'est très, très, très rapide. Et alors, ce sont des records québécois dont on va parler et dont on va célébrer la marque à ce moment-là. Ouais. Raconter l'histoire d'Hilda Strike, c'est évidemment forcément aussi s'intéresser à l'histoire des femmes dans le mouvement olympique. C'est une histoire qui a été semée d'embûches, comme en témoigne d'ailleurs cet extrait de l'émission JO, magazine olympique, animé à l'époque, en 1975, par René Lecavalier. Si nous avons voulu consacrer cette émission à la femme, c'est qu'il nous a paru intéressant d'étudier le rôle qu'elle a été appelée à jouer dans l'histoire olympique. D'abord, son absence des premiers Jeux, son entrée modeste par la suite en 1900, quand une seule discipline lui fut acquise, le tennis, sa progression marquée par la suite, mais qui ne fut jamais facile, et enfin la place importante qu'elle occupe aujourd'hui, résultat de son obstination, de ses efforts et de sa persévérance. D'ailleurs, comment pourrions-nous vraiment aujourd'hui concevoir l'histoire de l'olympisme même sans avoir recours à tous ces grands noms de l'olympisme féminin? Madame Monique Berliou, pendant plus de 15 ans après la guerre, a été l'une des plus grandes nageuses de France. Auteure d'un ouvrage olympique, elle est également directeur du Comité international olympique. Elle a constaté, avec raison d'ailleurs, que la venue de la femme sur la scène olympique a été très lente. Oui, ça s'est fait lentement parce qu'il ne faut pas oublier que Pierre de Coubertin était résolument opposé à l'idée de voir une femme courir sur un stade. Et les femmes qui ont pu officiellement participer aux Jeux, les premières furent des nageuses en 1912 à Stockholm. Alors, aux Jeux olympiques de 1932, la bataille n'est pas encore gagnée, Catherine Ferland, pour les femmes, mais ça progresse. En 1932, la délégation canadienne compte 9 femmes, dont Hilda Strike en athlétisme. Mais c'est encore vraiment, Catherine, une période où ça a commencé à bouger un peu, en 1928, entre autres, à Amsterdam, mais c'est quand même une période où la participation des femmes reste très, très limitée aux Jeux olympiques. Effectivement, parce que faut comprendre qu'à cette époque-là, même le fondateur des Jeux olympiques modernes, Pierre de Coubertin, pensait que les Jeux avec des femmes, les compétitions féminines seraient inintéressantes. Alors, on part de loin, là. Oui. Mais pourtant, les Jeux se sont progressivement ouverts, hein, on l'a entendu. À partir de 1900, il y a eu quand même quelques compétitions où on a admis des femmes, entre autres au tennis, à la voile, au croquet, certains sports équestres aussi, puis le golf. Progressivement, donc, ça s'est ouvert, mais c'est vraiment à partir de 1928 que tout à coup, là, on admet officiellement la participation féminine contre l'avis même de M. de Coubertin. Et il faut rappeler d'ailleurs que c'est à l'occasion de ces Jeux-là d'Amsterdam de 1928 que Myrtle Cook a été médaillée d'or en athlétisme. Alors, on voit là vraiment que c'est un moment déterminant pour l'athlétisme féminin et l'olympisme en général au féminin. Et on revient donc à ces Jeux de Los Angeles de 1932 auxquels participe Hilda Strike. Elle devient à cette occasion la première athlète québécoise, on le rappelle, a remporté une médaille olympique en décrochant la médaille d'argent aux 100 mètres chez les femmes aux Jeux de Los Angeles. On l'écoute à nouveau dans ce reportage de Sheila Kinch, diffusé au réseau anglais de Radio-Canada en 1984. Il y a eu deux faux départs de l'Américaine, puis la troisième fois a été la bonne. J'ai eu un très bon départ. J'avais toujours de bons départs. Et j'ai mené la course presque jusqu'à la toute fin. Puis j'ai senti quelqu'un près de mon épaule droite. C'était Stella Walsh. Then I felt somebody at my right shoulder, and it was Stella Walsh. Introducing Miss Stella Walsh. Je vous présente Mademoiselle Stella Walsh, représentante de la Pologne, qui vient d'établir un nouveau record mondial aux 100 mètres. For the 100 meter run. Je suis très heureuse d'avoir gagné ce titre au nom de ma terre natale, d'autant plus qu'il s'agit d'un record mondial. Bon, cette finale du 100 mètres chez les dames dont on vient de parler dans cet extrait, Catherine Ferland, c'est une course absolument spectaculaire. Ça se joue vraiment à la toute dernière seconde. Racontez-nous ce moment incroyable. Oui, alors on est le 2 août 1932 et il y a un auditoire d'environ 100 000 spectateurs dans l'enceinte de l'athlétisme. Et là, le moment est à son comble quand on se rend compte qu'il y a deux coureuses qui sont pratiquement au coude à coude. Elles courent, elles se sont élancées en même temps, évidemment, au signal de départ. Mais Hilda, d'abord, avait pris la tête. Hein? Mm-hmm. Et à la mi-parcours, Stella Walsh l'a rejointe. Et là, vraiment, les deux athlètes vont toucher la ligne d'arrivée pratiquement en même temps. En même temps, mais en fait, la course est tellement serrée que les juges vont accorder le même temps aux deux athlètes. C'est un record olympique de 11,9 secondes. Donc, ça marque ça aussi un moment important dans le sport olympique féminin. Mais pourtant, après des délibérations de 20 minutes, ce qui, on peut s'imaginer, est une éternité pour les adversaires, mais aussi pour l'auditoire à ce moment-là, les juges vont considérer que Walsh est arrivé une fraction de seconde avant Hilda Strike. Et c'est quand même intéressant de mentionner que c'était la première fois que les Jeux olympiques utilisaient un dispositif de chronométrage automatique. Ah donc, bon. Sur la foi de ce dispositif-là, on a déterminé que finalement, 11,9 secondes, mais des fractions de secondes ont permis à Walsh de remporter la médaille d'or à ce moment-là et Hilda devient donc la deuxième, la médaillée d'argent. Oui, mais par un cheveu, c'est assez incroyable. Le 7 août, Hilda Strike participe cette fois-là aux 4 x 100 mètres. C'est un petit peu sa chance de se reprendre. Elle a eu l'argent aux 100 mètres, mais elle souhaitait avoir l'or. Comment ça se passe, cette finale du 4 x 100 mètres? Hilda est la chef de l'équipe canadienne pour la course au relais 100 mètres. Donc, au départ, on est prêt. La course débute bien, mais la troisième coéquipière tire de l'arrière un petit peu et même elle va passer près d'échapper le bâton témoin en le tendant à Hilda. Hilda qui est la dernière, finalement, du quatuor. Donc, Hilda va heureusement réussir à reprendre du terrain et l'équipe canadienne va finalement obtenir la deuxième place avec une performance de 47 secondes top chrono. Donc, deux médailles d'argent, ce qui va placer quand même Hilda Strike. Et ça, c'est intéressant. Ça va la placer au 43e rang des athlètes, toutes nations et disciplines sportives confondues. 43e sur près de 2000 participants. Donc, c'est quand même pas mal, hein, on en conviendra. Puis tant pis pour Pierre de Coubertin qui disait que seuls les hommes pouvaient être des héros olympiques. La délégation canadienne va repartir avec un total de 16 médailles. Bon, évidemment, les États-Unis, eux, arrivent au premier rang avec plus d'une centaine de médailles, mais c'est sûr que ça n'a rien d'étonnant quand on sait que, bon, en 1932, on est en pleine dépression économique. Alors, par manque d'argent, il y a beaucoup de nations qui n'ont pas envoyé des très grosses délégations, qui ont envoyé seulement quelques athlètes aux Jeux. Alors, évidemment, ça a favorisé le pays hôte qui était les États-Unis. Mais quand même, 16 médailles pour la délégation canadienne de 1932, c'est très respectable. Oui. Dont deux médailles d'argent, on le rappelle, pour Hilda Strike. Et d'ailleurs, quand elle revient à Montréal, elle reçoit un accueil triomphal, Catherine Ferland. Oui, tout à fait. Donc, quand Hilda revient, elle arrive à la gare Bonaventure. Il faut imaginer une foule immense qui est là, la presse aussi qui est là pour accueillir notre championne olympique. Il y a un article qui décrit d'ailleurs la jeune femme. On dit qu'elle porte la veste rouge et blanche de l'équipe canadienne, une petite jupe de flanelle blanche. Elle est coiffée du chapeau blanc orné d'un gros ruban rouge avec la mention « Canada 1932 ». Et évidemment, en sortant du train, son premier geste, c'est de saluer la foule, puis ensuite de sauter dans les bras de sa mère. Et dans un article, donc elle va être interviewée évidemment par plusieurs journalistes et elle rapporte « Si j'avais douté de l'intérêt soulevé par les Jeux olympiques, ce sentiment aurait disparu à la suite de l'avalanche de télégrammes et d'appels téléphoniques, de félicitations venant de partout. » Donc les gens, c'est vraiment un exploit qui va être beaucoup célébré dans la presse, dans la population en général. Et donc à 21 ans, cette jeune athlète qui devient la première grande vedette de l'athlétisme féminin au Québec. Donc on va la sélectionner entre autres pour différents trophées, différents prix. Mm-hmm. Elle va notamment remporter celui de meilleure athlète féminine de l'année au Canada et celui d'athlète la plus populaire de Montréal pour cette année-là. Donc, vraiment, un beau début de carrière. Ouais. Et puis, en 1934, sa carrière se poursuit. Elle représente le Canada aux Jeux du Commonwealth, qu'on appelle à l'époque les Jeux de l'Empire. Comment ça se passe pour elle aux Jeux de Londres? Bien, en fait, comme on disait tout à l'heure, c'est la crise économique à ce moment-là. On est dans les années 30. Ça met beaucoup de pression sur le milieu du sport et ça, ça va jouer, entre autres, sur les enjeux liés au sport féminin. En fait, ici, on a affaire à Hilda Strike qui veut participer aux Jeux du Commonwealth en 1934, mais pour ça, elle doit d'abord se rendre aux épreuves de qualification qui se tiennent à London, en Ontario. Donc, elle doit partir de Montréal, mais en fait, elle n'a même pas l'argent pour payer son voyage. Et après plusieurs démarches, bon, elle réussit à obtenir la somme faramineuse de 50 $ de la Commission athlétique de la Ville de Montréal pour réussir justement à assumer le billet de train. Mais heureusement, ben ça va quand même bien se passer pour elle parce qu'elle va évidemment se qualifier, se rendre à Londres, en Angleterre, et remporter aux Jeux du Commonwealth deux médailles d'argent, une aux 100 verges, ça c'est l'équivalent environ de 91 mètres, pour laquelle elle va établir une nouvelle marque, et l'autre pour le relais 4 fois 110 verges, donc le relais 400 mètres. Oui. Ça va être sa dernière compétition d'envergure, en fait, cette participation aux Jeux du Commonwealth de 1934. Et qu'est-ce qu'elle devient, Hilda Strike, après ces Jeux de Londres de 1934 dont vous venez de nous parler, Catherine Ferland? En fait, dès l'année suivante, en 1935, elle se marie. Elle épouse Frédéric Brault-Sesson, un joueur de balle-molle et employé de la compagnie de téléphone Bell. Et elle va se retirer progressivement de la pratique sportive. Et on n'entendra pratiquement plus parler d'elle pendant une trentaine d'années, si ce n'est qu'en 1964, elle est intronisée au Temple de la renommée olympique du Canada, puis au Panthéon des sports canadiens quelques années plus tard. Donc, elle sombre un petit peu dans l'oubli, mais finalement, c'est en 1980 que tout à coup, on va réentendre parler de Hilda Strike. Quand justement sa grande rivale Stella Walsh décède et qu'on découvre que c'était un homme. Oui, en fait, c'était un homme ou plutôt c'était une hermaphrodite parce qu'elle, lors de l'autopsie qui est pratiquée, bon, on l'a entendu tout à l'heure en introduction, Stella Walsh décède dans des circonstances accidentelles et on procède à une autopsie, on se rend compte qu'elle a des caractéristiques sexuelles mâles et femelles, donc ce qu'on appelle l'hermaphrodite. Mais évidemment, ça cause une commotion dans le monde du sport parce qu'il faut comprendre qu'en fonction des critères sportifs de l'époque, là, en 1932, Stella Walsh, évidemment, n'aurait pas pu concourir dans une course féminine. Donc, bon, au-delà des préjugés, des jugements de valeur, etc., il y a quand même des considérations biologiques qui demeurent, c'est-à-dire que la présence de certaines hormones pourrait effectivement avoir donné à Walsh des avantages sur ses concurrentes là, pendant les compétitions. Et donc, d'où cette tentative, elle réclamera la médaille d'or qu'elle avait vue lui filer entre les mains en 1932, mais en vain. Le Comité international olympique ne lui donnera pas cette médaille d'or. Hilda Strike. Effectivement. Donc, c'est aux Jeux de Los Angeles en 1984 qu'Hilda Strike va réclamer officiellement cette médaille-là, va demander qu'on répare l'injustice. Malheureusement, sa demande va rester lettre morte. Et Hilda Strike va décéder quelques années plus tard, en 1989, à 78 ans. On sait que plusieurs honneurs posthumes vont lui être rendus. On va notamment l'introniser au Panthéon des sports du Québec en 2011, au Temple de la renommée de l'athlétisme du Canada en 2010. Même si elle n'a jamais pu recevoir sa fameuse médaille d'or de 1932, on peut s'entendre sur le fait qu'à l'époque, en 1932, la Montréalaise était bel et bien la femme la plus rapide de son temps. Catherine Ferland, historienne, conférencière, merci beaucoup, Catherine. Ça a été un plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.